En Corée du Sud, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a tenu le 27 avril une conférence de presse devant le siège gouvernemental à Séoul pour exiger des autorités sud-coréennes l'arrêt de la confrontation fratricide et l'amélioration des relations sud-nord, apprend-on d'après le journal d'internet sud-coréen Tongnews. Plusieurs personnes ont prononcé les interventions suivies de la lecture du texte demandant au gouvernement de renouer les rapports intercoréens ne serait-ce que dès maintenant, et à cette fin, d'abolir la mesure du 24 mai, obstacle aux échanges, et de reprendre le tourisme au massif Kumgang et les affaires de la zone industrielle de Kaesong.